conférence de Daniel Kemp, ayant pour titre « La conscience utilisable ». Donc ce soir, on va être trois pour bombarder de questions notre conférencier. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Charles Villeneuve, homme d'affaires, auteur et père de famille. Je suis François Martel, homme d'affaires, éducateur physique et aussi père de famille. Bonsoir, je suis Michel Lassef, policier et homme d'affaires, et je ne suis pas père de famille. Qui dit vrai? Bon, je vais commencer, Daniel. Je vais ouvrir avec une question. Premièrement, c'est quoi la conscience, ta définition de la conscience? Et après ça, on ira avec la façon de l'utiliser, mais premièrement, la conscience. Bon, c'est pas ma définition, je vais parler de la conscience un peu. La conscience, pour comprendre ce que c'est la conscience, c'est intéressant de savoir ce que ce n'est pas. Qu'est-ce que ce n'est pas? Bon, la conscience, ce n'est pas mémoriel. Donc, quand une personne apprend des mots intéressants, des phrases de sagesse, des choses comme ça, ce n'est pas de la conscience, de la mémoire. La conscience, ce n'est pas de la mémoire, donc on n'est pas conscient si on a beaucoup de mémoire. Par contre, la sagesse, c'est de la mémoire. Alors, un sage n'est pas conscient nécessairement. Il peut être conscient, mais de par définition, un sage, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, c'est quelqu'un qui a de la mémoire d'expérience et qui peut se servir de son expérience pour régler les problèmes d'un système assez restreint. Donc, un sage dans une tribu va régler les problèmes de la tribu tant qu'on reste traditionnel, tant qu'on conserve les habitudes du clan. Alors, il va nécessairement être l'expérimenté là-dedans. Si à un moment donné, on l'amène ailleurs, le sage devient un néophyte total, c'est une personne qui ne peut plus être sage. Donc, le sage, c'est de la mémoire. Être conscient, ce n'est pas une question de mémoire. Ça veut dire qu'une personne consciente n'est pas une personne qui est érudite. Ce n'est pas une personne qui a de l'instruction. Elle peut avoir de l'instruction, elle peut être érudite. La conscience, ce n'est pas ça. La conscience aussi, ce n'est pas la capacité d'agir spontanément. La conscience, c'est quelque chose qui est instantané, mais il y a certaines choses qui vont traverser l'homme qui sont instantanées et qui ne font pas partie de la conscience. L'instinct est spontané du point de vue de ce que l'humain vit, mais l'instinct n'est pas de la conscience. Autrement dit, les oiseaux savent comment faire des nids, mais les oiseaux ne savent pas qu'ils savent comment faire des nids. Alors, la conscience chez l'homme, c'est sa faculté de reconnaître, de prendre connaissance d'une façon spontanée des mécaniques qu'il vit. Autrement dit, être conscient veut dire avoir la capacité d'être observateur dans sa vie. Un être conscient est un être capable d'observation. Et quand je parle d'observation, c'est sûr qu'on peut observer l'extérieur, mais la conscience, c'est être capable d'être observateur de sa propre vie. Autrement dit, un être conscient, c'est un être suffisamment détaché de son corps physique, de son corps vital, de son corps astral, donc de sa psychologie, et même de son corps mental. Et c'est un être qui est capable d'être détaché des concepts, des théories, des religions, de la science, pour être capable d'observer ce qui se passe chez lui, donc pour être capable d'observer ses propres véhicules en tant qu'être de vie. Ça, c'est l'être conscient. Alors, lorsque, par exemple, on se met en colère, et pendant la colère, on se rend compte qu'on est en colère, c'est de la conscience. Là, on est un être conscient. Si on fait n'importe quel genre d'action et qu'au fur et à mesure du déroulement d'une action, on est capable d'observer ce que l'on fait, on est conscient. La conscience, c'est ça. Bon, la conscience ne fait pas référence aux mémoires, comme tu dis, et puis c'est toujours, fait référence à l'instantanéité. Mémoriel, que tu viens de dire là. Oui. Qu'est-ce que la distinction qu'il y a à faire entre l'intelligence et puis la conscience? Est-ce qu'il y a un rapprochement qui se fait entre les deux, c'est quoi? Oui. La conscience, c'est la capacité qu'on a d'observer ce qui se passe dans notre propre vie. Et nécessairement, par projection ou par extension, on peut observer ce qui se passe dans la vie d'autrui. L'intelligence, c'est la capacité d'exprimer spontanément des mécaniques d'incertitude. À travers une certitude qui se développe à l'intérieur de l'humain et qui va bannir toute forme de doute. L'intelligence, c'est la capacité de vivre en résonance avec tous les phénomènes événementiels, c'est-à-dire que l'intelligence est la capacité de percevoir inconsciemment tout ce qui se passe partout présentement à l'échelle de, disons, de la planète, pour ne pas parler d'un peu plus grand. Ça veut dire qu'un être humain intelligent, c'est un être qui a la capacité inconsciente non seulement d'être lié aux événements qui se passent autour de lui, mais il a la capacité inconsciente d'analyser rapidement, disons presque instantanément, toutes les mécaniques qui se passent autour de lui. Et cette analyse-là va maintenant percer à travers sa conscience, et là, l'humain va découvrir subitement qu'il sait ce qui se passe, ou qu'il sait une réponse à une question, ou qu'il sait ce qu'il doit faire. Et non pas qu'il a appris ou qu'il connaît, ne se sert pas de sa mémoire. Donc, l'intelligence, ça va être, par exemple, un individu rencontre deux champignons, il a faim. L'un des deux est vénéneux, donc toxique, l'autre ne l'est pas. L'être humain intelligent prend le champignon qui n'est pas toxique et le mange. C'est de l'intelligence. L'être humain qui a de la conscience va venir pour prendre un des deux champignons et là, il va se rendre compte qu'il vit. Là, il va hésiter, c'est pas lequel qu'il doit prendre. Mais là, vu qu'il a de la conscience, il se rend compte qu'il est limité, donc qu'il est manipulé, qu'il est restreint et qu'il ne sait plus. Alors, il pourrait se dire ce que j'ai déjà dit à un moment donné, le chameau dans le désert, lorsqu'il a soif, il marche, il creuse, il boit. Il n'a pas de conscience, il a de l'instinct. Il n'a pas d'intelligence non plus, mais c'est une intelligence animale, mais de l'instinct. L'homme, lui, il marche, il commence à creuser, et là, il se dit, mais pourquoi là? C'est une niaiseux, pourquoi pas là-bas, ou là-bas, ou là-bas? Alors, lui, celui qui est conscient, se rend compte subitement qu'il est en train de se faire avoir. Celui qui exprime ou celle qui exprime de l'intelligence aura la capacité de prendre, de faire comme le chameau. Sauf que celui qui exprime de l'intelligence et qui a de la conscience va dire « Je prends ce champignon parce qu'il n'est pas vénéneux. » Et il est totalement conscient de ce qu'il fait. C'est-à-dire que pour lui, ça devient une chose absolument normale. C'est exactement comme si c'était écrit sur un des champignons toxique, puis sur l'autre comestible. Qu'est-ce qui vient en premier, l'intelligence ou la conscience? L'intelligence. L'intelligence traverse l'homme, traverse la femme et l'oblige à un moment donné à développer la frustration. L'intelligence, un être intelligent, un être qui commence à être intelligent et facilement reconnaissable, c'est un être frustré. Bon. Pourquoi? Parce que l'intelligence commence à le traverser, et là, observant les choses, bien là, il se dit, oui, mais c'est niaiseux ça, t'as-tu vu ça? Puis là, il commence à exprimer de l'intelligence. Et là, il commence à se révolter en face de l'absurdité. Mais progressivement, il va découvrir qu'il l'observe. Est-ce que l'initiation que vit celui qui était atteint ou frappé par l'intelligence vient parce qu'il n'y a pas la conscience? Est-ce que l'arrivée de la conscience élimine le... Oui. L'initiation. Oui. Bon. Alors, l'individu qui aurait de la conscience, de toute façon, aura de l'intelligence. Donc, au départ, parce que l'intelligence descend dans l'individu, l'intelligence va normalement expandre les mécaniques de perception de l'individu et ses mécaniques de logifération, capacité d'analyser logiquement, et ça engendre une frustration au niveau de l'ego. Progressivement, l'humain va finir par observer qu'il est maintenant sous l'emprise d'une vision neuve, il devient un extravoyant, il est capable de se rendre compte de choses que les gens ne se rendent pas compte. Et progressivement, la conscience s'installe, donc la frustration tend à diminuer au fur et à mesure de l'augmentation de la conscience. Maintenant, ce qui est important, c'est que plus on a un gros ego, plus la frustration peut être longue avant que la conscience puisse devenir suffisamment présente pour annihiler le problème de l'initiation lunaire, donc le problème de la frustration. Et l'autre problème, c'est que pour avoir accès à de l'intelligence, il faut avoir un gros ego. Parce que c'est là que l'intelligence va descendre. Quand tu dis ça s'installe, la conscience, ça s'installe où? Ça s'installe comment? Bon, la conscience, ça s'installe, on pourra revenir là-dessus, ça s'installe un peu au niveau de tes deux hémisphères cérébraux, du corps calleux, de l'hippocampe, du cervelet, de l'hypothalamus, du thalamus, de la glande pinéale, et surtout dans un espèce de troisième cerveau énergétique qui progressivement va chapeauter ta tête. Bon, ça va devenir un double éthérique, ça va devenir un transport sératique, etc. Mais pour que l'intelligence puisse être attirée par l'être humain, il faut absolument que l'être humain soit capable de dominer un peu les plans astraux. Les plans astraux, c'est ce qu'ils pensent dans nos têtes. C'est ce qu'ils pensent quand on veut dormir et qu'ils nous empêchent de dormir. C'est ce que la psychologie appelle le subconscient. Quand on dit le subconscient, ça nous manipule, c'est puissant. Ça, c'est la trace. Mais on peut appeler ça le subconscient. Le subconscient, c'est le conscient qu'on n'a pas notre conscience, du point de vue de mémoire. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'être humain qui n'est pas capable de se tenir debout, donc de gueuler de temps en temps, de protester, de s'obstiner, de s'offusquer, donc d'avoir une opinion, cet être humain-là ne peut pas recevoir d'intelligence. Autrement dit, les êtres extraordinairement pacifiques, doux, avant de recevoir de l'intelligence, ne peuvent en recevoir de l'intelligence. Donc, ils seront confrontés, et c'est pourquoi la vie semble si pénible sur cette planète, c'est que l'humain devra être confronté à des expériences de vie qui vont l'obliger à un moment donné à se choquer. Et là, quand il commence à se choquer, à se mettre en colère, il commence nécessairement à descendre de l'intelligence. L'être humain est capable de se tenir debout, d'être un peu dynamique, et la frustration crée ça chez l'humain. Elle l'oblige à un moment donné à dire, on ira le bol, bon, ça fait en sorte que plus d'énergie circule dans l'humain. Et quand l'énergie commence à circuler, l'intelligence descend de plus en plus, puis là, on commence à installer la conscience. Donc, il faut normalement un ego assez intéressant. Maintenant, quand on dit un gros ego, c'est pas nécessairement un ego qui veut se vanter. Ça peut être un ego qui veut s'abstiner, un ego qui veut apprendre, un ego qui... Il y a plusieurs façons d'exprimer un ego. Est-ce que l'intelligence descend de plus en plus ou si c'est la frustration qui fait que ça augmente les vibrations ou comme tu dis, l'énergie, puis que ça élève certains corps ou certaines parties de l'humain pour se connecter à l'intelligence? C'est intéressant. Premièrement, l'intelligence ne descend pas. On emploie le terme d'essence parce que dans notre archétype, on a fait une chute. On s'est ramassé sur une planète très basse, on a fait une chute. Tomber en amour avec la Terre. Mais c'est quand même l'impression qu'on a que ça descend. En tout cas, on le oui, que... premièrement parce que ça pénètre par le haut de ta tête. Sauf que l'intelligence, c'est une atmosphère au même titre que l'astral, au même titre que l'idée. En fait, les gens ils disent, ben là, j'ai eu une inspiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a inspiré des unités carbone et oxygène qui contiennent des mémoires astrales, puis la personne a ramassé donc de l'idée, puis son cerveau était capable d'en faire quelque chose. Ben, en réalité, son corps astral, son âme, puis finalement, le cerveau. C'est une atmosphère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence, il y en a partout. Sauf que l'humain est imperméable à l'intelligence, mais plus il va se frustrer, plus il crée des dynamiques, plus il devient perméable à l'intelligence. On peut donc considérer qu'il en absorbe de plus en plus. Et parce que ça rentre par le centre coronal, donc par le haut de ta tête, alors que toutes les constructions des véhicules planétaires, on parle du corps mental, de l'astral, le vital et physique, ont été gérées par l'accumulation d'énergie tellurique, et ça rentrait par les pieds. Donc, ça se dynamisait au niveau du chakra Mooladhara, donc du chakra sexuel, et par la suite, ça montait le long de la colonne pour éveiller différents centres, développer le centre laryngé, le centre cérébral. Mais l'intelligence descend par la tête et fait le processus inverse, c'est-à-dire qu'une fois que les corps planétaires sont constitués, c'est par la tête que ça se fait, d'où l'impression, encore une fois, de descente. La conscience, c'est une observation. Non, la conscience, c'est l'état d'être observateur de sa propre vie. Est-ce qu'on peut dire plutôt un détachement total de l'événement? On peut dire, mais ce n'est pas ça. Par contre, il faut être détaché pour être conscient. C'est-à-dire, pour ne pas souffrir de sa conscience, il faut être détaché. Mais ce qui est important, il faut être détaché sans s'en foutre. Je suis détaché de mon corps, mais je m'en fous pas. Je suis détaché de mes enfants, mais je m'en fous pas. Alors que l'humain qui vit de l'ego, lui, il est attaché ou il s'en fout. Une grosse nuance, je suis détaché, donc je ne peux pas être manipulé émotivement par le fait que je suis entouré d'amis. Je suis détaché de mes amis. Par contre, je ne me fous pas de mes amis. Si on s'en fout, c'est encore le motif. C'est une autre forme d'émotion. Là. Mais est-ce qu'on rencontrait dans toutes les formes de yoga où on devait s'observer, il n'y avait pas d'intelligence là-dedans? C'est quoi qui fait la nuance? C'est intéressant. La majorité des structures d'observation enseignées par les antiques d'ascension sont des systèmes d'évolution. L'intelligence ne permet pas d'évoluer. L'être humain évolue. Il évolue d'une façon darwinienne. Il évolue d'une façon humaine à un moment donné, c'est-à-dire qu'il essaie de s'adapter et il commence à adapter l'extérieur. Il vit encore des adaptations, évidemment, mais qui sont primitives et illimitées. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'humain, après avoir vécu une évolution, rendu à un certain niveau, il commence une conscientisation. Et plus il va se conscientiser, moins il va évoluer. L'évolution, c'est la capacité qu'on a de reprogrammer les structures archétypales, donc l'ego, les parties de l'âme, c'est l'anti-homme, ces choses-là. On reprogramme de façon à ce que ce qui nous manipule puisse aller de plus en plus dans la direction de notre intelligence. Ça, c'est la conscience. Ça, c'est l'évolution. Ça, c'est de l'évolution. Et à un moment donné, quand on est rendu tout près de recevoir de l'intelligence, là, on commence l'éveil. Autrement dit, vous allez évoluer si vous apprenez l'écologie. Et vous commencez à vous conscientiser quand vous commencez à inventer l'écologie. Un jour, tu étais dans la forêt, puis tu parlais à des gens, et puis tu leur disais, et vous êtes écologiste parce que, bon, vous ramassez vos pêches. Mais vous allez vous payer tout à l'heure dans le lac. Est-ce que le savon que vous avez employé est un savon biodégradable? Ben, il y en a un qui dit, oui, moi j'y ai pensé. J'y ai pensé, c'est pas la conscience. Et là, tu poses la question, mais quand tu prends ta douche chez toi, à la maison, en ville, utilises-tu aussi un savon biodégradable? L'évolution va faire en sorte que les gens vont faire ça. Mais la conscientisation va faire en sorte que tu prends le savon, puis instantanément, tu n'as pas besoin de lire, tu n'as pas besoin d'apprendre. Alors l'humain, à un moment donné, et on est rendu à cette étape-là, où l'homme, la femme, l'enfant, évolue de moins en moins et se conscientise de plus en plus. La conscientisation, c'est l'expression de l'intelligence. Mais c'est quoi la différence, par exemple, à un moment donné, tu apprends qu'il faut... Tu es d'accord avec ça, qu'il ne faut pas polluer, par exemple, acheter les papiers par la fenêtre de ton auto, cette affaire-là. Puis là, plus loin dans le temps, à un moment donné, c'est que là, tu viens presque frustré de voir des gens qui le font. Ça, c'est parce que tu commences à être observateur de ta vie. Donc, étant observateur de ta vie, nécessairement, revenez à ta question, étant observateur de ta vie, nécessairement, tu te rends compte que les autres ne le font pas. Et parce que ton ego te fait dire que si toi, tu le vois, ben, tout le monde devrait le voir. Hein, parce qu'on part toujours avec l'idée qu'on est tous à la naissance égaux. Ce qui va arriver, vois-tu, c'est la même chose un peu. Dans les vieux systèmes traditionnels d'ascension, donc d'évolution, là, la femme, l'enfant va développer des techniques d'observation. Mais qu'est-ce qu'on observe? On observe l'air qui rentre, puis on le sent dans les poumons, on observe ça. C'est biologique. Ou encore, on va observer le fait qu'on bouge le corps physique, que ce soit par le tai chi ou par différentes formes de yoga. Ou on va observer la circulation d'énergie sexuelle ou les extases dans d'autres formes de yoga, tantrique, ces choses-là. On va observer, par exemple, dans la méditation assise bouddhique, le zazen, nous allons observer ce qui se passe dans la tête et nous allons observer des courts-circuits mentaux avec les koans, par exemple. Sauf que tout cela ne fait pas partie, c'est de l'observation de mémoire. Autrement dit, ce qui arrive, c'est qu'il y a un observateur inconscient, inconnu, qui prend une photo mémorielle, c'est cette photo-là qu'on voit. Et nous, on pense qu'on observe, mais on ne prend pas conscience que là, on observe. Autrement dit, dans une méditation traditionnelle, tu observes des choses, mais tu n'observes pas que tu observes des choses. Une dimension de plus dans la conscience par rapport au yoga, aux autres formes. Exactement. Et les autres formes sont intéressantes, c'est utile, c'est même très intéressant qu'on puisse s'en servir. Mais on est encore pris dans la mécanique, pareil. C'est ça qui est le problème, c'est que la majorité des structures d'ascension n'autorisent pas l'homme, la femme ou l'enfant à se libérer d'elle-même. Autrement dit, les techniques vont t'apporter tant que tu les pratiques. Puis quand tu cesses de les pratiquer, tu perds qu'elle t'amenait. Tu étais l'esclave de la technique. Et il faut absolument que l'humain pratique chaque technique, chaque façon de voir les choses. Et ça, c'est en fonction de nos biologies. Hein? On ne peut pas dire, le 7e fait ça, je vais faire ça, puis bon, ça ne sert à rien. Il y en a un qui s'est fait crucifier à un moment donné, ça lui a permis de luminosiser son corps de chair, en faire un corps de lumière, il a permis plein de choses. Chaque année, il y en a qui sont crucifiés, mais ça leur permet d'aller à l'hôpital et de la soumettre. Ça ne sert pas grand-chose. Alors, on vit sa propre vie en fonction de ce qu'on va sentir. Et à un moment donné, la personne est finie par être capable de vivre des techniques. Du moment qu'elle commence à payer, une technique te laisse normalement ce qu'elle t'a donné pendant 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, 4-5 mois, si tu as bien pratiqué avec la conscience 1 an ou 2. Et ça, c'est le temps nécessaire pour en abandonner une, puis commencer quelque chose d'autre. Puis à un moment donné, c'est plus une technique, ça devient une façon de vivre. Alors, ça veut dire, par exemple, la technique de respiration Rescon, si tu la fais, là, tu es conscient de ta respiration, mais là, ce qu'il faut faire, c'est être conscient qu'on est en train d'observer ça. Bon. Technique de respiration Rescon, donc respiration consciente, Rescon, qui est une technique du PMC. L'individu qui pratique la technique Rescon, qu'il doit repiner n'importe quelle technique. On prend l'exemple de Rescon, la Resconisation. L'individu inspire, respire, et là, il prend conscience de ce qu'il fait. Il prend conscience qu'il fait ce qu'il fait. Et parce qu'il prend conscience, il doit subitement être conscient que ce qu'il est en train de pratiquer, il devrait transformer la technique en mémoire d'intervention. C'est-à-dire en habitude biologique au minimum placée mémoriellement quelque part au niveau de son cervelet pour qu'à un moment donné, sans qu'il ait à s'en occuper, que maintenant il respire toujours d'une façon totalement harmonisée avec ce qu'il a besoin au niveau physique, au niveau mental. Et là, ça devient une mémoire d'intervention parce qu'on n'a pas besoin, on n'expand pas sa conscience dans la conscientisation de la respiration. Pourquoi les anciennes techniques disaient « prends conscience de ta respiration, prends conscience de ta douleur, prends conscience. » Ça veut simplement dire « descends d'intelligence là-dedans » et à un moment donné, tu es capable de gérer la mécanique pour qu'elle devienne une mémoire d'intervention pour qu'elle se fasse tout seul. Tu vas respirer convenablement tout seul. Tu vas relaxer tout seul sans avoir à y penser. Un peu comme quand on conduit une automobile ou quand on marche. Quand la mémoire d'intervention est suffisamment conservée, on peut conduire une automobile, discuter avec quelqu'un puis subitement se rendre compte « tiens, j'ai rendu ici ». Qui a conduit nos mémoires d'intervention. Et ça nous libère pour faire d'autres choses. Tu marches sur la rue et subitement, tu es rendu quelque part où il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Mais tu as traversé la rue, tu as arrêté au feu rouge, tout ça qu'il fallait faire. Mais toi, maintenant, tu peux faire d'autres choses. Le véhicule, maintenant, est capable de s'arranger sans canaliser toutes tes énergies supérieures, puis tu fais d'autres choses. Donc, même chose au niveau des techniques, au niveau de la technique Rescon, il y a un moment donné où tu respires d'une façon consciente, du point de vue biologique, et tu peux maintenant faire d'autres choses, l'apport en oxygène, en hydrogène, puis etc. Et parfait. Dans nos activités sociales ou d'affaires, nos activités courantes, comment on peut utiliser la conscience? Parce que là, on parle de techniques de respiration ou de détente, etc. Est-ce qu'on peut descendre ou utiliser cette conscience-là dans les affaires ou dans nos commerces ou dans notre vie, dans notre travail? Ou c'est totalement, normalement, astral? Non, une conscience utilisable, ça se peut. Le problème, c'est que la majorité des personnes dans l'historicité humaine ainsi qu'aujourd'hui, la majorité des individus qui sont parvenus à un état de conscience, n'ont jamais pu s'en servir. D'ailleurs, la majorité sont morts pauvres, oubliés quelque part. Le cadavre, ça n'a pas été un succès. Hein? Jean le Baptiste a eu de la conscience, il en a perdu la tête. Le Nazaréen, lui, il était abasourdi, n'est-ce pas, par la conscience, etc. Leurs carrières ne sont pas brillantes, sont lumineuses. Effectivement, sont brillantes, sont lumineuses. La conscience, nécessairement, doit être utilisable. Ça ne sert à rien de travailler dans n'importe quoi. C'est sûr que l'humain peut dire, on est sur la planète Terre, un jour, on va s'en aller, puis on n'aura plus besoin de ce qu'on a là. Mais en attendant, tu es sur la planète Terre, puis quand ton corps physique te lâche, tu vas dans le monde astral, puis on te ramène sur la planète Terre, puis on recommence, puis ça peut être bien compliqué. La conscience va t'amener, à un moment donné, à échapper de toute façon au processus de la mort, vie, mort, vie, mort, vie. Tu vas devenir un être immortel du point de vue de la conscience, pas du point de vue du corps physique. Peut-être à un moment donné, mais c'est pas ça qui est important. Le corps est vivant, mais vous, vous êtes plus là. Votre automobile, vous continuez à vivre, votre automobile est pourrie, vous êtes mort. Pour rendre utilisable la conscience en affaires, par exemple, premièrement, la conscience elle est utilisable sur tous les niveaux de la vie. Parce que la conscience, de prime abord, c'est la capacité qu'on doit développer d'observer que l'on vit, que l'on est là. Donc, la conscience implique nécessairement l'état d'être vivant. Mais être vivant, ça veut dire être conscient. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais à une réunion d'affaires et je vois le stress monter en moi. Je dois pas me dire, bon, ça y est, maudit, je suis encore en train de me stresser. Celui qui est conscient va découvrir la mécanique du stress et sa conscience va lui dire, à un moment donné, va lui faire voir clairement qu'il y a chez lui une programmation qui fait en sorte que dans certaines circonstances, automatiquement, il s'enclenche tout seul. Il n'y a même pas besoin d'être là. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que le fait d'être conscient ne veut pas dire le fait de dominer, de maîtriser, de contrôler ou d'avoir un libre-arbitre. Et c'est ce qui peut engendrer des dépressions à un moment donné à travers la conscientisation, des frustrations incrémentoires. Parce qu'on trouve que ça ne bouge pas assez vite. Tu deviens conscient, puis tu dis oui, mais là je suis conscient de toute la mécanique, puis j'arrive pas plus à maigrir. La conscience n'engendre pas le libre-arbitre. Pas là. Parce que l'intelligence, le premier vecteur de l'intelligence, c'est la conscience. C'est exprimé chez l'humain. Quand l'humain expand suffisamment sa conscience pour ne plus souffrir d'être un être conscient dans un contexte actuel, lentement, l'humain va commencer à développer la deuxième facette de l'intelligence fondamentale, qui va être la volonté. Et la volonté va maintenant permettre à l'homme, à la femme ou à l'enfant, chez lui, de commencer à imposer ses rythmes de vie, ses rythmes de pensée, ses rythmes d'activité. Il se couche et il dort. Bon. Il a faim, il sait quoi manger. Il n'est plus manipulé, n'est plus charrié par l'intérieur. Le fait d'exprimer de la volonté pour commencer à ce que ça puisse être utilisable en affaires, on va revenir. Ce qui va suivre par la suite, c'est la créativité. Et la créativité n'a rien à voir avec la transformation des choses du passé en quelque chose d'ajusté. La créativité, là, je parle de créer. C'est plus loin. On va venir m'amener. Donc, au niveau des affaires, au niveau de la vie, la conscience doit premièrement... En réalité, la conscience ne servira pas les affaires tout de suite. Est-ce qu'elle va servir l'individu en affaires? Non, mais les affaires peuvent servir la conscience. Par l'initiation? Oui et non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les affaires peuvent servir les affaires. Quand on parle des affaires, ça peut être parce que, comme dans vos cas, vous êtes des hommes d'affaires, mais ça peut être aussi parce qu'on est employé, parce qu'on travaille ailleurs. Bon. Le monde des affaires peut servir la conscience en ce sens que le monde des affaires est un monde extraordinairement performant pour obliger l'être humain à ne plus être un être humain, à devenir un animal humain. Bon. Par exemple, il y a des élèves, à un moment donné, qui suivent un cours. Un cours, par exemple, on va dire en bureautique. Et puis, à un moment donné, ben là, on fait une pause. Hein? On a travaillé pendant une heure et demie, on fait une pause. Les élèves, ils partent tous en disant, bon, la pause syndicale. Ils travaillent quoi? C'est des étudiants. Ils sont déjà en pause syndicale. Puis, ils se préparent. L'homme devient facilement animal humain, c'est-à-dire qu'il reste, à un moment donné, continuellement pris à travers toutes les mécaniques qui font en sorte que la conscience s'estompe complètement. Il y a des compagnies actuellement qui ont de la difficulté, qui demandent aux employés de faire un effort, hein, c'est impossible. On préfère fermer, on préfère avoir rien que de penser que peut-être que le patron nous a trompés. Ça fait partie des égrégores sociaux qui peuvent miner les sociétés. Alors, en affaires, on vit en affaires, l'affaire devient un terrain exploratoire au niveau de la conscience. Et sommes-nous capables d'être en affaires, de rencontrer quelqu'un, de rencontrer un vendeur, un patron, un employé pour lui dire quelque chose, et de toujours être conscient qu'on est là? De percevoir le stress chez l'autre, le nôtre, de percevoir les segments oculaires, pas d'observer avec de la mémoire. Prenons un exemple. Un être qui pratique les arts martiaux, mais pas les sports de combat ou les sports de cassage de gueule. Je parle d'un art. L'art, c'est quand on raffine au maximum un sport. Alors, à un moment donné, lui, il pratique et il fait bander les yeux et il y a quelques partenaires qui vont l'attaquer. S'il a une conscience, une mémoire de conscience, donc en réalité une concentration circulaire, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute. S'il sent un bruit, il essaye de parer un coup, il écoute partout. Et pendant qu'il écoute là, on peut l'attaquer là. C'est une concentration circulaire. Alors l'individu qui va en affaires, qui a une concentration circulaire, il va observer par exemple, bon, genre, il cligne d'un œil, il est assis comme ça. C'est ça qui se promène. Pendant qu'il observe qu'elle a cligné un œil, il observe ce qui se passe chez lui ou ce qui se passe chez l'autre. Il peut un coup chez lui, un coup chez l'autre, mais de toute façon, c'est de la concentration. Et ce qui est important, c'est que l'être humain qui a de la conscience devient attentif et n'est plus concentratif. Et par définition, la concentration, c'est d'être attentif sur une seule chose, et l'attention, c'est d'être concentré sur tout. Bon. Alors là, tu te sers des affaires, ça veut dire que tu es relax. Tu ne pars pas avec l'idée que tu dois observer ça, ça, ça, ça, ça. Tu es là. Et tu es vivant, donc tu observes ce qui se passe chez toi. Parce que tu es conscient, et parce que les affaires vont tout faire pour t'obliger à ne plus être conscient, à rentrer dans les stéréotypes d'affaires, ben là, tu as intérêt extrêmement génial pour préserver ta conscience et rester vivant et vivante. Que ce soit parce que tu veux rencontrer ton professeur, par exemple, pour lui dire des choses, si tu es un enfant, ou quand tu es un adulte. Et là, tu restes vivant, donc tu es capable d'observer. L'observation qui est faite à ce moment-là, c'est l'observation... sur l'ego. C'est-à-dire, en réalité, c'est l'observation de l'ego et des expressions d'ego, donc tu observes ta transpiration. Prenez un exemple. Vous rencontrez quelqu'un d'important, vous commencez à transpirer. Voulez-vous transpirer? Eh non. Parce que si je vous dis, si vous dites oui, ben oui, je veux justement transpirer. Alors, transpirer. Vous n'êtes pas capable? Bon, on contrôle pas ça. On peut le contrôler de manière détournée, mais ça ne fait pas partie des processus humains. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de l'ego, nous ne sommes pas de l'âme, nous ne sommes pas de la psychologie. On est quelque chose qui dort, qui est de la conscience, donc qui est intelligent. Maintenant, je répète, l'intelligence et la conscience, ça ne mène pas un débarbit immédiat dans notre plan physique. Donc, je transpire. Là, j'observe, moi aussi que c'est niaiseux. Mais oui, tu transpires quand même, tu ne contrôles pas ça. Par contre, ce qui va arriver, c'est que tu transpires et tu vas dire, bon, ça y est, je transpire. Qui ça, qui le transpire? Ben justement, c'est l'ego. Toutes les parties qui vous obligent à être ce que vous fuyez sans arrêt, même finalement les parties qui vont induire la fuite, c'est partie des processus de l'ego. C'est pas nous autres. Et on vit comme si c'était nous autres. La conscience va faire en sorte qu'en affaires, tu vas être capable subitement de rester toi. De t'autoriser à être au maximum ce que tu es. Et là, tu vas dire, oui, mais là, je commence à trembler. C'est pas moi, ça. Reste toi dans un corps qui tremble. C'est la nuance. L'humain est convaincu que, oui, mais regarde, là, je tremble, je transpire, j'ai peur, je bafouille. Reste toi dans un corps qui bafouille. Reste-toi dans un corps qui tremble, qui transpire, reste-toi. Puis après deux ou trois fois comme ça, votre ego ne voudra plus jamais venir s'exprimer comme ça parce que vous allez lui avoir fait assez peur. Imaginez, vous devriez normalement tout faire pour tout camoufler, puis là finalement, écoute mon grand, bon. C'est pas vous qui tremblez, c'est pas vous qui êtes inquiet et inquiète, pas nous autres. Ça. Si on est un bon conducteur automobile, puis que l'auto se met à tomber, ça ne dérange pas parce qu'on la contrôle. Mais dans notre corps physique, on n'est pas capable de le voir comme un véhicule. On n'a pas la capacité de se détacher aussi facilement. Non, parce que ça fait, comme dans ton cas, ça fait au moins 32 000 ans que tu n'as pas de conscience. Bon, tu en as. J'exagère tout le temps. 31 980. Bon, oui, j'ai remonté. Bon, 28 000, c'est plus jeune, toi. Ah, toi, je ne vous en pas le dire, maman. Mais ce qui arrive, c'est ça, c'est que parce qu'on n'a pas eu suffisamment de conscience qu'on était là, bien nécessairement, on a de l'expérience de notre vivant. Et on finit par dire « je pense donc je suis », c'est-à-dire que je fais des choses, donc j'existe. Alors que la conscience, c'est que tu n'as pas besoin de rien faire pour savoir que tu es là. Et là, l'humain commence à avoir de la conscience, c'est pas à l'échelle de la planète. Mais si, bon, je suis pas l'ego, je suis pas mon corps, je suis pas les mécaniques qui me manipulent, alors je suis la conscience c'est quoi là-dedans? Là? Je suis quoi? Même la conscience, d'une certaine façon, j'ai une conscience, je suis pas... quelque chose d'autre, moi, là, mais j'ai pas le mot pour la dire. Parce que ni un ni l'autre, tu vois, il dit j'ai une conscience, puis il se demande qui tu es. Je suis conscient d'avoir tout ça. Bon, c'est la panique des philosophes. Je suis Dieu! Je suis Dieu, donc je suis quelque chose. Mais là, je vois aussi, je suis qui? L'être humain conscient ne recherche pas des formes pour être capable de se placer dans un véhicule. La conscience ne peut pas être pointée. Et c'est l'ego qui demande, tu es conscient, l'ego apprend que la conscience existe, et l'ego finit par dire, ah, je suis de la conscience. C'est la conscience observant ça, l'ego dit, crime, je viens de voir que je viens de le dire, donc je suis pas de la conscience, c'est autre chose. Puis là, parce que tu observes ça, ben l'ego monte encore d'un étage. Être conscient veut dire être capable de faire de la course à pied, d'observer les oiseaux, d'éviter une fourmi qui traverse le chemin, de s'en aller, d'être totalement présent, d'être vivant, d'avoir ni chaud, ni froid, ni quoi que ce soit, c'est de la conscience. c'est finalement... Je m'en pas quitter! Non, c'est ça, c'est que le moindrement qu'il y a cette question-là, c'est qu'on arrête, il faut être constamment en mouvement dans le... Si tu veux savoir qui tu es, premièrement, tu vis d'incertitude, tu vis du doute. Pour compenser le doute, tu vas inventer des croyances. Si tu les dynamises, tu vas en faire des fois. Et si tu les dynamises encore, tu seras des fois aveugle, donc tu fanatises. Et la conscience ne demande pas d'être pointée. Et c'est le problème, parce que l'humain se demande souvent qui je suis. Et là, il regarde comment il est habillé, quel genre de maison il a, ou s'il est guidé. Regarde sa vie. Regarde la matière pour savoir qui il est. C'est pas ça, la conscience. Tu sais, d'ailleurs, ça l'a frappé. Si on prend juste l'exemple du Nazaréen, imaginez-vous, là, des fils d'un menuisier. Ça pense. Pas de maudit bon sens. Il semble que Dieu aurait pensé à mettre la conscience ailleurs que dans un fils de menuisier. Et on peut prendre des exemples. Il y en a des exemples qui sont phénoménaux. Tu as des rois qui vont avoir de la conscience. Tu as le plus dernier des derniers du peuple qui va avoir de la conscience aussi. C'est pas le véhicule. Mais l'humain qui veut commencer à établir qui il est, c'est de l'ego. Et tout ce qu'il va trouver, c'est des choses pour stabiliser la recherche de son ego. Que de l'illusion. Donc, que du mensonge. Moi, je ne sais pas qui je suis. Je sais qui j'ai été. Bon, d'où marche bien. Pas bon. Le cheminement, l'aboutissement parfait ou final, en tout cas, une des étapes, une des finalités d'une étape, c'est la conscience totale. En tout temps, 24 heures sur 24. Oui. Je demande quand est-ce qu'il va pouvoir aller se battre avec son chien. Puis là, ben, j'avais quelque chose à suite à ça. C'est parce qu'il avait prévu que la réponse serait longue, plus longue que ça. Hein? Non, c'est... Encore là, ce que Michel dit, c'est une forme d'identification, parce que la conscience elle-même ne cherche pas à être consciente 24 heures par jour. Non, parce que... C'est encore l'ego qui est en... Mais ça va créer des philosophies de conscience, des philosophies de conscientisation. Aujourd'hui, mentir être conscient au moins 3 heures. Mais c'est une partie d'ego qui veut avancer. Il faut moins qu'il travaille du bon côté. Et puis, c'est ça. Un mec qui est de plus en plus conscient, ou qui le dit certainement, ça va lui servir à faire quoi? À bon. Quoi? Premièrement... C'était ça la question. À quoi ça sert d'être conscient? Ben, c'est ça. Alors, pour comprendre, convenablement, il faudrait que tu deviennes un alcoolique. Il faudrait que tu restes alcoolique pendant 5 ou 10 ans. Que tu aies traîné un peu en dessous des ponts. Puis, à un moment donné, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, ce serait intéressant que tu te désintoxiques, puis que tu cesses d'être ivre. Pour avoir une pensée claire. Et là, tu vas te dire, ouais, ben, j'ai envie de jouer une pensée plus claire. Mais là, le gars ou la fille qui te parle ne peut pas t'expliquer à quoi ça va servir une pensée plus claire parce que ta pensée n'est pas claire. Tu vas marcher mieux, tu vas même avoir le goût de foncer dans l'avenir. J'ai goût à l'avenir. Ben, tu peux pas expliquer à un aveugle de naissance ce que c'est que la couleur rose. Je peux pas. Alors, je ne peux pas te dire à ton ego à quoi ça va te servir d'être conscient. C'est évident que je peux te donner de l'illusion. Et l'illusion que je vais donner, c'est proche de la réalité. Mais c'est pas ça que l'ego va vivre. C'est la saveur qui est vraie, mais la forme est fausse. Si je vous dis, par exemple, vous allez être parfaitement heureux et heureuse, c'est pas ça. Mais la saveur est proche de ça, mais pas la forme heureux. Tu n'auras plus de problème. C'est pas ça. Mais la faveur est prise de ça, mais pas la forme. Est-ce que c'est pour ça qu'on a toujours appris à cesser d'être malheureux plutôt qu'à être heureux? Parce que être malheureux, on sait c'est quoi. Être malade, on sait c'est quoi. Donc, cesser d'être malade, au lieu de dire... Parce que justement, quand on n'est pas dans l'état de la conscience ou de la santé, on ne peut pas comprendre la santé si on a toujours été malade. Ça, c'est évident, mais ça fait partie des processus de l'initiation lunaire, c'est-à-dire des processus d'évolution. Donc, tu apprends par essai et erreur ou par frustration, par désillusion, c'est de la mémorisation, c'est de l'expérience. Maintenant, la conscience, elle, c'est un savoir instantané qui est hors de l'expérience. Tu n'as pas besoin d'expérience, c'est le problème souvent dans mon cas, parce que je suis interviewé par certaines personnes ou je discute avec des spécialistes dans certains domaines, et là, on me demande, oui, mais vous, là, vous avez travaillé pendant combien d'années pour arriver à cette conclusion-là? Ben, je dis, écoute, depuis que je te parle, là, je suis arrivé à la conclusion. Puis là, la conclusion, ben là, écoute, ça n'a pas de sens d'abord, ça ne tient pas debout. Bon, parce qu'il faut absolument qu'on ait pris beaucoup de temps. Il y a certains livres que j'ai écrits qui ont révolutionné la vision de l'enfance, puis j'ai écrit en 2-3 semaines. Parce que j'ai coupé mon bason, puis bon, j'ai des choses à faire. Mais les personnes, normalement, doivent savoir que ça a pris au moins des années d'aboutissement, d'années de recherche. Et ça, c'est une problématique au niveau de l'illusion de la conscience. Quand l'humain veut savoir à quoi sert la conscience, sachant une chose présentement, c'est que probablement qu'à un moment donné, vos corps physiques vont vous loger. En tout cas, moi, si je serais votre corps physique, vous logerez pas. Deuxièmement. On aurait une bonne partie. C'est juste savoir. La conscience va t'amener non seulement à te dissocier des illusions du mensonge cosmique. Bon, l'illusion de l'amour, l'illusion de la spiritualité, l'illusion des dieux créés par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme, l'illusion de la perte, l'illusion de la chute, l'illusion du fait que tu es médiocre, l'illusion du fait que tu es un serviteur, un esclave, un être rampant. Bref, toutes ces choses-là. Notre vie. Ouais. Et la conscience va faire en sorte qu'à un moment donné, tu vas être capable d'augmenter ton niveau de vie du point de vue du temps, de la matière, donc de l'argent, de la santé. Pour ça, il ne réussira pas. L'intelligence va s'arranger pour que ceux qui sont plus pauvres pour comprendre que ce n'est pas ça la richesse. Par la suite, la conscience va faire en sorte qu'à un moment donné, tu vas avoir la capacité de créer, dans une mécanique planétaire, à un moment donné, tu vas avoir la capacité de créer le troisième cerveau, c'est-à-dire qu'on a un cerveau présentement qui est intuitif, relié au monde astro, donc aux mémoires événementielles, au ciel, au monde de la mort, et il y a un cerveau qui est cartésien, qui lui aussi est relié à ça. Mais il y en a un qui va analyser du point de vue de l'émotion les choses, qui va engendrer les religions, par exemple, qui est une explication émotive du cosmos. Et l'autre partie est beaucoup plus logiférante, cartésienne, et c'est ce qui va engendrer les sciences, la vision plus logique du cosmos. Mais à un moment donné, l'humain développe un troisième cerveau, donc un phénomène qui fait partie des sphères éthériques, comme du plan vital, qui joue un peu au niveau du cerveau matériel. Et là, l'humain va finir par avoir une vision réelle du cosmos. Et non pas expliquer du point de vue de l'émotion ou du point de vue de la logique. Quand on parle de troisième cerveau, c'est clair, c'est une forme que j'amène. Je ne promènerai pas à un moment donné avec un excroissance qui fait vos chapeaux fondus. Je comprends, si je parle de troisième cerveau, là, c'est une forme que j'amène. C'est des chapeaux. Et ce qui va arriver, c'est que progressivement, tu vas créer un truc intéressant qu'on appelle un double éthérique. Et le double éthérique, c'est ce qui va te permettre d'avoir de plus en plus accès à ta conscience. D'avoir de plus en plus accès à de l'utopisation. C'est-à-dire que l'humain réincarne 24 heures sur 24 des mémoires du passé. Et avec ta conscience, tu vas avoir de plus en plus accès à la réincarnation de mémoires de l'avenir. Donc, progressivement, évidemment, tu vas développer l'idée que tu n'es pas dans la bonne planète, tu n'es pas dans le bon temps. Et progressivement, tu vas finir par créer un double éthérique qui va être un véhicule intéressant parce que si ton corps physique meurt, tout ce que tu es toi, dans le plan moronciel, c'est-à-dire le plan où les individus vont, ceux qui ont réussi à réanimer puis qui nous comptent, qui ont vu des canaux, de lumière, des êtres, etc., c'est le plan moronciel. Tant que l'humain est là-dedans, si le corps physique est restructurable, on peut le réanimer. Et dans ce plan moronciel-là, tu vas voir évidemment les attraits du monde de la mort, mais tu n'iras pas là-dedans parce que tu vas reconnaître la lumière de ton double éthérique, puis c'est là-dedans que tu vas aller. Tu es immortel du point de vue de ta conscience, et là, tu te réincarnes, c'est une réincarnation unitaire directe, tu vas te rappeler totalement qui tu étais. Maman, je m'appelle pas Pierre, je m'appelle Daniel. C'est ça quand ça commence à parler. Là, tu vas te dire, non, reviens! Mais, et par la suite, ça va te permettre de faire un paquet de choses intéressantes, donc, un nom expliqué, par rapport à la conscience utilisable, pourquoi utiliser ça, mais, très intéressant. Et ça va servir à faire ce que tu as à faire, puis ça, si je te l'explique là, tu peux le comprendre, parce que tu vas vouloir le comprendre en fonction de ce que tu sais, de ce que tu connais déjà, c'est la même chose pour tout le monde. Et là, on va encore s'enfoncer encore dans la mécanique de l'illusion. La mécanique de l'illusion, elle est essentielle pour amener la frustration et la désillusion. Mais quand tu approches d'un niveau de conscience, il faut qu'on cesse de se créer des illusions. Parce qu'à un moment donné, tu es capable de poursuivre ta conscientisation sans faire, comme tout à l'heure on parlait, sans vivre de la frustration, donc de la désillusion. Oh, mais je pensais que c'était pour être. Donc, il y a un temps où, par énergiopathie, qui est la télépathie de l'homme nouveau, donc tous les canaux se mettent à communiquer ensemble, l'humain va être capable d'échanger des choses, mais sans échanger avec la forme. Donc, tu me dis à quoi sert la conscience? Il va venir un temps où tu ne mettras pas de forme autour de la conscience, de façon-là, tu vas totalement être libre en face du neuf, en face du nouveau, en face de ce qui va arriver, sans être continuellement obligé de défiltrer ce que tu as filtré, de colorer à travers ta vision. Par exemple, est-ce qu'un jour, l'être conscient va rencontrer Dieu? Mais c'est un maudit problème, parce que qu'est-ce que tu entends par Dieu? C'est que veux-tu rencontrer? Alors si, au niveau de l'expansion de la conscience, la question finit par s'estomper, c'est ce qui arrive, Même le mot Dieu finit par emprisonner en valeur ce que l'humain conçoit dans l'illusion que peut être des forces créationnelles. Donc, un Dieu créé à l'image et à la ressemblance de l'homme par l'homme. Ça n'empêche pas qu'il y a des forces intéressantes, mais l'homme qui prie Dieu alors qu'il sait qu'apparemment que Dieu c'est tout, Dieu, s'il vous plaît, j'ai faim. Ici c'est tout, il sait déjà. Bon, peux-tu faire ceci, faire cela? Écoute, il l'aurait déjà fait, s'il voudrait. Alors, l'humain parle à un père, à une mère. Quand tu vas vivre une expansion de conscience, ces mécaniques-là vont disparaître et ces questions-là ne seront plus posables. Ce qui empêche la conscience d'être utilisable, comme on le vit, c'est qu'on a juste l'intelligence actuellement. Puis encore, quand je dis on a juste l'intelligence, des fois on a de l'intelligence. Mais si on essaye d'appliquer l'intelligence dans les affaires ou dans notre vie, souvent on souffre bien plus que qu'on non. amène de solutions. Ça prend de la volonté, c'est pas un autre. Oui, non. Oui, non. Oui, parce qu'il dit, si on essaye d'appliquer l'intelligence, on souffre beaucoup plus. Oui, si tu essaies. Oui, c'est ça. Mais si tu appliques l'intelligence, tu ne souffres plus. Mais si tu essaies d'appliquer l'intelligence... Mais si tu appliques l'intelligence, c'est que tu es conscient. Oui. Et il y a aussi la volonté pour être capable d'appliquer. Après la volonté. Deux, trois ans, pas. Donc, tant que, comme j'ai dit sans le vouloir, tant qu'on essaye d'appliquer l'intelligence et qu'on n'est pas conscient, c'est qu'on souffre encore. Oui. Et qu'on touche à l'intelligence, on sait qu'on devrait faire ça de même, mais on n'a pas encore la conscience de vivre. Oui. Mais le gros problème pour rendre une conscience utilisable, parce que les gens sont conscients. Je dis souvent que toutes les personnes ici présentes, celles qui ne sont pas et qui entendent, parce qu'ils vont chez des cassettes, oui, c'est pas mystérieux, là. Bon. Mais ce qui est important, non, mais c'est vrai, on dit une chose qui est bien correcte, puis là, évidemment, enfin, il y a du monde qui entend, qui sont pas là. Il y a du monde qui paye pas. Mais non, il y en a qui achètent des cassettes. Bon, ils sont pas là qui entendent. Bon. Donc, toutes les personnes qui sont ici ont de la conscience, et celles qui entendent et qui ne sont pas là ont aussi la conscience. Et je dis souvent, toutes les personnes, la majorité des individus, mais celles qui sont capables au moins de s'approcher un peu de ce qu'on compte, ont de la conscience suffisante pour être capables de savoir qu'elles doivent manger, quand elles doivent se coucher, quand elles doivent prendre des vacances, ce qu'elles doivent faire. Le problème, c'est qu'elles ne mangent pas ce qu'elles savent, elles ne dorment pas quand il faut, elles ne font pas ce qui doit être fait. Et en affaires, ce sera la même chose. Pourquoi? Parce que, un, on doute d'une façon exemplaire de nos capacités à l'intelligence. Deux... On doute pas. On est sûr que ça marche pas. Ouais, ben, c'est le doute du vrai. Ouais. Alors, évidemment, tant qu'à être égistique, on se tourne un bord de l'autre. Deux, l'humain est manipulé par les engrammes sociaux, par son éducation, par ce qui se réincarne chez lui, à exister comme un être médiocre. Est-ce que de temps en temps, toi ou toi peux avoir des idées de génie? C'est énergisé comme on est là, depuis là, on dit, ben oui. Ben, allez faire ça ailleurs. Bon, on vous interview. Vous, M. Villeneuve, là, est-ce que ça vous arrive d'avoir des idées de génie, mais des idées de vraiment de génie? Monsieur répond oui, souvent. Qu'est-ce qu'on pense? Il faut qu'il se prenne à l'autre. On est habitué socialement. Alors, ce qui va arriver en affaires, comme dans la vie courante, assieds-toi dans ton bureau, là, il faut que tu appelles quelqu'un, le pape. Alors, tu prends le numéro de téléphone, je signale. Il est programmé, je pense, paye sur un. Et là, l'ego, ouais, mais là, je vais te dire quoi, puis à qui je vais parler, puis ça. Bon. Être conscient, ça veut simplement dire que tu vois toutes les mécaniques qui veulent t'empêcher de faire, tu prends ton corps, tu bouges. Tu s'approches un petit peu de la volonté, mais pas encore beaucoup, puis tu signales. Puis là, on te répond en italien. Tu n'as pas prévu le coup. Tu parles en français à voir, mais tu continues à être toi. C'est tellement facile. Je me promène avec des gens de temps en temps, puis la personne, elle me dit, « Hey, qu'est-ce que penses-tu qu'il me ferait un rabais si j'en achète trop? » Pas moi le vendeur. Demande ça à lui. À moi. Oui, mais là... J'ose pas lui demander. Mais la vie est compliquée, n'est-ce pas? Pour rentrer dans le magasin, vous lui dites, « Écoute, si j'en achète deux, est-ce que tu me fais un rabais? » Le gars dit, « Deux? Êtes-vous malade? » Vous dites, okay. « Non, non, je suis pas malade. Je veux savoir si vous faites un rabais si j'en prends deux. Mais là, tu es conscient. Alors là, tu ne souffriras pas en affaires. Tu téléphones quelqu'un, puis tu jases avec lui, puis tu lui dis ce que tu as à lui dire, puis tu prends ce qu'il a à te dire, pas du point de vue de l'ego, l'être conscient peut faire. Ça ne t'annule pas en affaires, tu ne souffres pas. Mais quand tu fais la moitié de ce que tu devrais faire, puis l'autre moitié, c'est bien compliqué. C'est vrai de voir la moitié d'un verre de lait avec la moitié d'un verre de vin mélangé. Mais il y a la note. C'est là qu'on souffre quand on fait moitié. Ben ça, il y a une notion d'efficacité qui... Oui, ça, qui ne s'accomplit pas. Là, je suis trop énergopathe. C'est une fausse question. Oui, réponds de même. Ouais. Pas de problème. Mais question d'efficacité, et lui, parce que ce qu'il dit, c'est que si pour arriver à vivre de la conscience et à expérimenter du point de vue de l'ego, la puissance de la conscience, pas le pouvoir de la conscience, la puissance de la conscience, que je devrais perdre 2 emplois, 4 contrats, ma femme, mon mari, mon chien, mon string, si je dois perdre ce qu'il fait, bon. C'est parce que tu veux pas brûler, tu veux, par exemple, l'individu qui est en affaires, il veut pas se brûler, il veut être parfait ou est-ce pas apte à faire correct la première fois. Qu'est-ce que c'est faire correct la première fois? Ça veut dire simplement qu'il faut que les autres te disent c'est correct. Ou que l'acheteur te dise oui, ou peut-être que tu vois l'efficacité. Vos vies doivent servir à autre chose que d'uniquement réussir là, immédiatement, cette affaire comme ça. C'est extrêmement important de ne pas attendre d'être sur son lit de mort pour se demander si on a bien fait. Ma vie m'a servi à quoi? Ai-je été bien, heureux, utile, ici? Je travaille mort un matin. Ce qui est extrêmement important, c'est que immédiatement, quotidiennement et tout au long de sa vie, vie d'affaires ou vie de policier ou de n'importe quoi, l'humain conscient, toi par exemple, t'es policier, t'interviens dans une tentative de vol, quelque chose comme ça, tu rentres dans un immeuble, il y a peut-être un gars en haut avec une arme, on entend des coups de feu, mais on ne sait pas si c'est 5 ou 6, en plus on ne sait pas si c'est un pistolet qu'il a, donc il en a 8. Et là, tu dis, bon, je vais être conscient et je dois, pour lui, de deux façons, rester vivant. Une physiquement et une pour la conscience. Bon. Alors, tu sors ton arme, tu armes le chien et tu t'approches. Et là, tu vas être efficace. L'être humain totalement conscient ne sera pas là où les balles vont passer, c'est là où c'est. Il va savoir exactement quoi faire. Mais si son ego essaie de vérifier si la conscience a raison, ce qui arrive en affaires, là, c'est mieux de ne pas être conscient, c'est mieux d'être un animal. Puis là, tu as des chances de ne pas te faire tirer. C'est pour ça que quand on est entre les deux, on arrache, parce qu'avant d'être conscient, ou en tout cas informé de l'intelligence, tu appliques les lois astrales en affaires, dans le commerce, dans les ventes, dans la profession. De plus, tu es supporté par l'égrégore du milieu où tu es. C'est plus facile de rester animal dans ce cas-là que de se c'est plus efficace sur la planète Terre d'agir en animal humain que d'agir en être humain. Sauf que l'animal humain va vers sa perte, il va vers son anéantissement dans les 10, 20, 30, 40 ou 50 prochaines années. Ça va être plus loin que ça, mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui vont être éliminés. Et l'être qui vit de la conscience, c'est celui qui fait partie de la race neuve, c'est celui qui est en train de naître. On a le choix de vouloir faire partie de l'équipe perdante, parce que présentement, on compte plus de nous, ou de travailler à faire partie de l'équipe gagnante qui travaille un canon pour lancer ses boulets, pas vraiment. Tu sais, présentement, tu attaques avec tes flèches, puis c'est efficace. Là-bas, ils ont moins de monde, là, tu sais, ils semblent perdre du terrain. Ils sont en train de bâtir un canon pendant ce temps-là. C'est sûr que du point de vue de l'apparence, là, on gagne. À toutes les fois que tu reçois une flèche, par exemple, en attendant, tu dis, je travaille de mettre à l'arbalète, tu sais. T'as toujours le goût de revenir dans l'ancien régime parce que tu te dis c'est bien beau. On a l'information qu'on s'en va vers quelque chose de mieux, mais en attendant, on est encore la cible de. C'est intéressant que tu amènes ça. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'emprise de l'astral pour récupérer les êtres qui se conscientisent dans l'illusion de l'ère nouvelle. Les philosophies de l'ère nouvelle sont des philosophies de l'ère ancienne, sont des philosophies où on essaie par tous les moyens de stabiliser vos recherches, de stabiliser votre quête, de stabiliser vos égos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu es un peu perdu, tu commences à te conscientiser, tu vois des choses, tu commences à être déséquilibré. Le déséquilibre, l'instabilité, c'est la vie. Et c'est ce qui va t'obliger, te permettre d'être vivant, de changer en affaires de cap quand c'est le temps. C'est ce qui va te permettre de changer dans toute ta vie quand c'est le temps. Alors que les philosophies religieuses, les philosophies du passé, et c'est essentiel pour l'humain du passé, de ne pas trop être déstabilisé parce qu'il n'avait pas le corps physique pour supporter une déstabilisation psychologique et mentale. Mais aujourd'hui, on peut la supporter. On peut fumer, hein? Il y a plusieurs qui fument pour se faire restrifier, c'est pour supporter leur conscience. On peut manger trop, on peut boire un peu. Il ne faut pas faire d'excès. C'est sûr que c'est meilleur, c'est mieux pour la santé de ne pas faire ça. C'est drôlement mieux pour la santé de le faire que d'être perdu. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'humain devient instable dans sa recherche lorsqu'il développe la conscience. Découvre subitement que ce qu'il vient de faire à son enfant pour l'éduquer, ben, tu sais, c'est niaiseux, c'est pas ça. Premièrement, il avait raison, puis deuxièmement, ben voilà, le matin, il dit, ouais, mais que je suis pas un bon parent, il sait plus. Là, il est instable. Mais l'être instable devrait se dire, c'est merveilleux. Maintenant, je suis rendu que je suis capable de jouer dans le vieux puis dans le neuf. Je reste instable. Mais l'instabilité demande une confiance en soi, c'est-à-dire cesser de douter de soi. Parce que là, les philosophies de l'ère nouvelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va faire des sociétés où on vise d'amour, de paix. On s'embrasse. Mais là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'humain va se voir stabilisé émotivement, stabilisé au niveau de ses schémas de frustration, stabilisé au niveau de sa recherche vers le neuf, et l'humain n'avancera plus. On pense qu'on est arrivé. Oui. On va se créer un contexte où on va jouer de la harpe pendant 55 ans dans le village. C'est un paradis pour l'ego, mais pas pour l'intelligence. C'est même l'ego va s'ennuyer. L'ego va s'ennuyer. On en a eu des sociétés de paix. Il va faire des petits jeux, il va se divertir. Parce que l'ego a besoin d'être stimulé dans la vie. Il va se faire des problèmes. Il va divorcer, il va se marier, il va avoir un enfant, il va être infirme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain doit accepter son instabilité. Tu es en affaires, tu es n'importe où, puis tu perds un contrat ou tu perds ton emploi. Là, je ne dis pas que demain matin, vous allez travailler, et puis là, vous décidez, vous êtes vous-même. Vous dites, bon, là, moi, je veux une augmentation. Ça, c'est pas être soi-même. Ça, c'est être un gros égo épais. Il risque fortement de... Vois-tu, ça s'approche. Avec l'ambulance, par exemple, la personne a dit « je vais y aller » en parlant comme ça, mais en essayant d'être conscient, ça s'approche de l'autre qui essaie de faire son téléphone d'affaires en bafouillant. Oui, la nuance qu'il va y avoir, c'est extrêmement important. Il faut pas faire confiance à la vie. Non. Mais il faut cesser de douter des mécaniques qui nous habitent. C'est pas d'avoir confiance à l'autre. C'est d'avoir confiance à sa capacité de savoir si l'autre est correct ou pas. Alors moi, j'ai pas confiance en Michel, en François ou en Charles. J'ai confiance dans les mécaniques qui me permettent de savoir qu'ils sont corrects. Mais la journée que quelqu'un n'est pas correct, tu sais qu'il n'est pas correct. Ce qu'il faut faire, c'est que ta vie, là, moi je téléphone, je perds un contrat, et j'en ai perdu, j'ai fait des choses dans le sens de l'intelligence. L'intelligence, c'est toujours esthétique. On perd un contrat, tu perds une occasion d'affaires, vous perdez une occasion de vie, c'est mieux que de perdre sa vie. Il faut comprendre l'idée. On ne veut pas. Pourquoi? Parce que nous estimons en fonction de nos réussites. Et c'est pourri. Vous avez une idée géniale. Pourquoi elle est géniale? Parce que ça a fonctionné. L'autre, c'est un génie. Il y a une idée géniale, puis finalement, c'est pas un génie, puis c'est une idée idiote. Pourquoi? Parce que ça n'a pas fonctionné. Qui a décidé, alors, que l'idée était pour être géniale? Les événements, pas les individus.